1333, activation orale, forme verbale, présent de l'indicatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Vous me croyez? Et vous voyez? Mais oui! Et vous dites? Mais oui, je vous crois. Les autres aussi vous croient. Nous vous croyons tous. À vous. 2. Vous essayez? Mais oui, j'essaie. Les autres aussi essaient. Nous essayons tous. 3. Vous venez? Oui, je viens. Les autres aussi viennent. Nous venons tous. 4. Vous comprenez? Ben oui, je comprends. Et les autres aussi comprennent. Nous comprenons tous.